là, donc c'est vous qui êtes le guide, en fait, hein, dans le film. Donc, je trouve que sur le plan de la construction du film et de ce que le film arrive à communiquer, c'est vraiment, ça marche très très bien, quoi. Et je dirais que c'est... Ça a l'air tout simple, mais en fait, c'est particulièrement original parce que finalement, on ne demande jamais l'avis des gens qui sont dans les foyers. Donc, ce matin, vous n'étiez pas là, on a fait un exposé chacune. Moi, je m'appelle Claire de Vivre-Hollande, je suis sociologue et professeure à l'Université de Paris 8, Saint-Denis. Et donc, je travaille sur les questions de logement et de précarité. Et j'ai fait des enquêtes dans les hôtels meublés, dans les résidences sociales. Donc, voilà, mon domaine de recherche professionnelle. Et c'est vrai que ce qui est assez frappant, c'est que souvent quand on discute de ces questions, à tous les niveaux d'ailleurs, finalement, bon là je suis dans une enquête aussi avec l'association Emmaüs où on travaille avec les travailleurs sociaux qui font les maraudes et un centre qui s'appelle l'Agora qui prévoit un certain nombre de services. C'est des gens qui sont à la rue, hein, qui ne sont pas hébergés, ou très occasionnellement à la nuitée, hein, donc vestiaires, douches, etc. Et c'est vrai que quand il s'agit par exemple de faire le chantier de rénovation du quartier, parce que c'est dans les Halles, ou quand il s'agit de prendre quelques décisions que ce soit, on ne demande pas l'avis des gens. Donc là, on retourne un peu la situation, puisque c'est vous qui êtes, c'est vous qui distribuez la parole, c'est vous qui posez les questions, et c'est vous qui obtenez... plein d'informations très intéressantes sur la coprésence de gens dans un espace en se demandant comment les points de vue, les relations les circulent. Et voilà, pour l'instant, c'était ça que j'avais. Moi, je voulais vous poser la question comment ça a été en réalité construit. Parce que quand vous avez présenté, vous avez dit bon, je me suis approchée au foyer, corrigez-moi. Et finalement, bon, on m'a proposé de faire ça. Mais en même temps, c'est qui a filmé? Parce que de toute manière, il y a un angle, il y a un point de vue. Donc, comment ça a été négocié? Patrick, c'est lui qui mène un petit peu la parole, mais en même temps, je pense qu'il y a là une négociation. Comment vous avez fait? Vous avez dit à un moment donné, film participatif, vous avez présenté, je me questionnais. Donc, comment construit ça de manière participative? Oui. Non, mais prenez le temps de nous raconter un peu plus justement sur les conditions de production. Je pense que tout le monde s'interroge. Oui. Comment on construit un documentaire participatif? Il n'y a pas de règle parce qu'à chaque fois c'est différent en fait. Là, ça s'est construit en beaucoup beaucoup de temps parce que déjà il a fallu que j'ai les autorisations. Ça a pris plus d'un an. Après, le responsable du foyer était d'accord pour que je vienne proposer le film et on a parlé donc à Patrick et à d'autres, enfin aux gens qui étaient. Voilà, après je les ai vus une première fois. J'apparaissais un peu comme un. C'était un peu particulier. En plus, effectivement, c'est un foyer que d'hommes, donc en tant que femme, déjà, j'arrivais avec un projet de film. Voilà, j'ai entendu des gens qui m'ont dit ben, nous on n'a rien à raconter de particulier, ça va pas être intéressant, on n'a rien à dire. Enfin, on ne veut pas être filmé, surtout pas. On ne veut pas être filmé. Moi. Ouais. Et puis, bon, en parlant, enfin, voilà, on s'est quand même dit que. Enfin, après, ça remonte un petit peu là, mais y a des gens qui étaient partants pour essayer quelque chose, sans qu'on sache quoi. Voilà. Ils disaient bon. Part dans une aventure ensemble et on verra bien ce qui se passe. Au début où c'est filmé, il y a des gens qui veulent, enfin, il y a des gens qui étaient d'accord pour participer au projet, mais qui veulent pas être filmés, qui veulent pas qu'on les voit même en train de poser des questions aux gens. Donc c'est pour ça que des fois il y a des contre-jours, en plus c'est fait avec une petite caméra, c'est moi qui filme la plupart du temps. Voilà, mais c'est quand même dans des conditions très très pauvre, je dirais. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, on a... ou alors il y a le son, par exemple, il n'y avait pas de technicien son en plus, il y avait pas de... on était en équipe très très réduite. Enfin, moi j'étais toute seule avec eux, voilà, et ce n'était pas forcément toujours les mêmes gens qui étaient présents pour le film. Et je crois que c'est, je ne sais plus, enfin Mohamed et Pierre, à un moment donné, qui ont dit, bon, bah, c'est Patrick qui va y aller, parce que c'est Patrick qui est le plus à l'aise. En fait, il y a une dizaine de personnes qui ont participé régulièrement à la construction du film, mais de façon complètement différente, voilà. Et Patrick était celui qui était le plus à l'aise pour aller vers les gens, poser les questions, et qui acceptait d'être filmé. Donc, voilà, il a été aussi porté par les autres... pour aller poser des questions aux gens du quartier, quoi. Et on a filmé, il y a beaucoup plus de gens qui ont été filmés que ce qui apparaît dans le film. Il y a 16 heures de rush, voilà. Et après le montage, c'est en fonction de la parole qui s'est construite petit à petit qu'a été fait le montage, voilà. Non, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Et en termes de négociation, ça se négociait tout le temps, parce qu'en fait, on filmait, on regardait ce qui avait été filmé. Moi, j'avais installé un banc de montage dans le foyer. Le directeur du foyer nous a ouvert le foyer l'après-midi, ce qui n'était pas le cas. Normalement, c'est fermé la journée. Donc l'après-midi, il y avait, j'étais là régulièrement pour qu'ils assistent au montage. Et voilà. Les autres habitants du quartier, du coup, ils sont... Est-ce qu'il y en a qui, par exemple, sont venus l'après-midi à participer au montage ? Non. Et alors pourquoi ? Déjà, ils participaient, ils ont accepté d'être filmés, ce qui n'était pas évident non plus pour eux, enfin, pour les habitants du quartier, voilà. Et puis, c'était essentiellement, quand même, le projet d'atelier était avec les gens du foyer, voilà. Pas avec les gens du quartier. Enfin, oui, c'est-à-dire que... Ça peut se défendre comme position, il peut y en avoir une autre qui est... C'est une occasion aussi de faire venir dans le foyer, je ne sais pas si ils viennent, les habitants du quartier, les considérer comme un tout, qu'ils soient habitants du foyer dans le quartier ou des maisons hors foyer dans le quartier. Oui, ça aurait pu... Non, ils ont été invités, la première projection, on l'a faite dans le foyer. Ouais. Voilà, donc ils étaient invités pour la projection, donc ils sont venus. Mais sinon, en plus, il faut dire qu'une table de montage, c'est quand même petit. Il ne peut pas y avoir 15 personnes derrière qui sont là au montage, quoi. Donc, c'est ça aussi. Moi, je trouve que le film est très positif. Présentez-vous. Véronique Verrier, je dis ce matin. Oui, mais Patrick, on se connaît bien. Hein. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a le mieux vivre, le bien vivre. Il y a une belle intégration, je veux dire, ce foyer, Paul Bert, il est intégré, et vous vous êtes intégré, donc vous vivez ensemble. Donc, on s'aperçoit que il est intégré, parce qu'ils font partie de la population. Voilà. Les pauvres... Comme le dit l'historien, à un moment, dans le film. Voilà. Quand il intervient pour expliquer un peu l'historique du quartier Paul Bert, il dit, vous, les résidents du foyer, on vous considère, en assez bonne proportion dans le quartier, comme étant non pas des intrus qui viennent un peu squatter là, profiter d'un système, un peu, tu sais, tant mieux pour eux, quoi, non, pas du tout, mais comme plutôt, on nous fait participer à des actions qu'il y a dans le comité de quartier, bien souvent. Voilà, je voyais le jeune qui disait, ça joue de la gratte, ça donne des coups de main bénévolement aux associations quand il y a des fêtes. Bien sûr. Par contre, ce que j'ai retenu de très fort, c'est quand même un manque d'existence vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Un manque d'existence, c'est-à-dire que vous n'avez pas de travail. Tu dis bien plusieurs fois, voilà, il y a plein d'hommes qui n'ont pas la chance de parler avec une femme pendant des heures. Donc on voit bien qu'il y a un manque de quelque chose. Plein de manque d'ailleurs. Manque d'humanité, une recherche. Voilà. Mais il y en a qui ne recherchent même plus en plus là-dedans. Complètement rompu avec plein de leur quotidien, familiaux. Pourquoi pas sentimentaux, éventuellement, relationnels. C'est vrai, en fin de compte, je me rends compte de ça aussi avec le recul. Mais à la base, ce qui s'est passé, moi, bon, j'ai eu l'occasion de vivre pendant à peu près 2 ans quand même, hein, dans cette situation, sans logement. Et ne voulant pas dormir dehors, ça m'est arrivé, hein, des fois, rarement quand même. Ou alors c'était contraint et forcé exceptionnellement quand même. Hein. Mais ça m'est arrivé. Et je veux dire par là, donc, cette période de ma vie qui, on sait aujourd'hui, peut arriver à énormément de gens qui ne s'y attendaient absolument pas, en plus, bien souvent, dans certains cas. Au lieu que ce soit une expérience négative, comme ça arrive dans la vie, il peut vous arriver un pépin, et on essaye, avec l'AMP, l'attitude mentale positive, d'en faire quelque chose de profitable, quoi, de bon, en fin de compte. Et avec le recul, je dis pas, ah, c'est génial que j'ai eu cette chance de passer dans ces foyers d'hébergement, mais il y a des gens à qui je le souhaiterais, moi, à la limite, dans la société. Peut-être pas parmi vous qui êtes là cet après-midi, justement. Parce que si vous êtes là, c'est peut-être que, justement, vous êtes impliqué au moins émotionnellement dans ces sujets, dans ces problèmes. Mais ceux qui sont les plus à même, tu sais, d'être concernés, et qui se prétendent concernés à la télévision, quand on les entend dire « on va trouver des solutions, on va faire des choses » et tout ça. Puis dès que les caméras sont coupées, ils n'en ont rien à faire, en vérité, vous savez bien. Et bien, moi, je leur souhaiterais de passer une semaine dans un foyer d'hébergement, et pas forcément en plus dans un foyer d'hébergement comme Paul Bert, comme justement tu disais, il est bien appliqué en quartier, mais je crois qu'on doit être une exception, soyez Paul Bert en France, de ne pas en avoir des masses. Hein. Bah parce qu'ils ont plein de choses positives, il y a une très bonne équipe avec le directeur et tout le personnel qui travaille proche du quartier. Maintenant, les foyers d'hébergement, bien souvent dans les villes, ils se retrouvent derrière, au fin fond, derrière la gare ou auprès d'une comment ça s'appelle, d'une cité industrielle, comment on appelle ça, d'une zone industrielle, voilà, planquée derrière des trucs impossibles à trouver pour les gars qui veulent aller héberger. Ils ont eu tendance un peu à les excentrer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, voilà, ce que je tenais à dire. Il y a donc ces 3 ans de cela maintenant, hein, à peu près. Un peu plus. Un soir, un midi, quoi. Non, attends, c'était... Ah oui, un soir, le directeur nous dit, demain, il y a une dame qui vient de l'association Sans Canal Fixe, qui est réalisatrice de cinéma, et qui va demander à ceux qui seraient intéressés de participer à l'élaboration d'un film. Et à savoir comment on fait un film. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une personne qui va faire un film sur je ne sais pas quel sujet ou quoi. Et on nous propose à nous d'aider pour apprendre comment on fait un film, quoi, en fin de compte. Et il y a des questions, alors les gars sont un peu timides. Moi, je demande, je dis, oui, mais c'est un film sur quoi? Il fait, ben, sur le quartier. C'est une personne, donc à notre âge, qui a habité ce quartier il y a déjà quelques années en arrière et qui désirerait faire un film sur le quartier Paul Bert. Et le quartier Paul Bert, ben, on a vite fait le tour, hein, la petite église, quelques commerces. Et puis ce foyer d'hébergement qui est quand même une, comment on pourrait dire, pas le cœur non plus, il faut pas dire de bêtises, mais un des poumons, quoi, du quartier, pourquoi pas, je sais pas, quelque chose qui participe à la vie. Hein. Bien que toute la journée c'est fermé, donc les gars sont pas trop présents dans le coin, mais bon, on participe quand même à la vie économique, ouais, tant bien que mal, mais... Hein, oui. Non, mais à la vie quand même, parce qu'on aide à des tas de choses, le fait qu'on passe, des fois des discussions avec des... On finit par faire des connaissances dans le coin, quoi. Vous voyez bien, dans ce film, la boulangère, par exemple, avec qui vous voyez tous les jours, moi, c'est une dame passionnante, il faut que je passe un peu la voir. Et donc, Anne vient le lendemain, oui, pour retrouver le fil, et puis elle demande, y a-t-il des bénévoles parmi vous? Puis il faut avouer qu'il n'y avait pas... Ça n'a pas été le fol enthousiasme, hein, au début. Hein. Tu sais, moi, je regarde autour de moi, je fais, il y a personne qui lève la main. Moi, je lève la main comme ça, un peu timidement. Je me dis, allez, on va se lancer quand même. Parce qu'au départ, j'étais pas très chaud, moi. Je voulais pas forcément. Je me suis dit, je sais pas. Et puis, en fin de compte, ça a été une rencontre, et puis une aventure. Et puis, ce film est là, maintenant. Il y a eu du chemin d'accompli, quand même. Et ça s'est passé spontanément, pour ce que vous demandiez tout à l'heure. Elle posait la caméra, il n'y avait pas des questions décrites avant, prévues. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi par rapport à vous qui travaillez dans le social, c'est votre quotidien de connaître les problèmes d'hébergement pour les gens. Et quand vous disiez dans ce film, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à parler, les gens qui étaient donc des résidents du foyer, des hébergés, mais ce que vous remarquerez aussi quand il y a ces sujets-là d'aborder aux informations, il faut toujours qu'il y ait à peu près quoi, une minute là-dessus, puis j'aurais terminé après, je me laisserai un peu la parole, une minute là-dessus aux infos, mais ça je tiens bien à le dire, vous avez tous remarqué ça, pour qu'on voie au moins un SDF, alors le truc typique, ben, t'as un litron ou un peu dans un coin de bouteille quand même, un peu, qui présente pas si mal que ça, mais qui est sur des cartons bien par terre, pour dire, ah moi je veux pas, comment, je veux pas y aller moi en foyer, tac. Et comme ça les gens ont bonne conscience en se disant, ah tu vois ils veulent pas y aller les gars, hein, qui disent pas il n'y a pas de place. Mais en réalité, il n'y a pas de place. Il y en a plein qui sont quand même blindés, pleins. C'est vrai, hein. Donc ça s'est amélioré. Il ne faut pas non plus être mauvaise langue. Ils ont fait un peu de progrès là-dessus quand même aussi. Il ne faut pas tout voir plus négatif. Mais ça, vous avez remarqué ça aux infos, il y a toujours, ils glissent surtout TF1, rien contre eux, mais bon, plus que d'autres chaînes, quoi. Tu vois, toujours ça, hein. Ça ne changera pas, hein, je crois. Hein. Je crois que je le dis dans le film, hein, ouais. Ça, il faudra toujours que... Claudia, mais bon, voilà. Sinon, après, donc, monsieur qui est derrière le poteau, mais je voulais dire, pas, et madame. Ce film m'a fait beaucoup de bien à titre personnel. Ah, ouais. Parce que je suis bénévole à la HAS, qui est une association qui s'occupe des gens qui sont en difficulté. Et nous avons entre autres un lieu d'activité qui s'appelle la halte de jour, qui, comme son nom l'indique, qui est ouvert de 11h30 à 16h. Tu m'as vu, moi, bien des fois, oui. Passer le matin. Oui. Voilà. Et. La situation que nous vivons est exactement symétrique à celle que vous avez décrite à Paulbert. C'est pour ça que je dis ça m'a fait du bien de voir qu'on pouvait être bien accueillis, parce qu'il y a un petit groupe de personnes, d'habitants du quartier, avec l'aide de la Nouvelle République, très efficace, qui font tout pour faire fermer cette structure. Quand je dis faire tout, c'est-à-dire que c'est même allé jusqu'au printemps dernier à forcer les portes de la mairie pour aller envahir le bureau du maire. Ça fait 3 ans que ça dure, cette affaire-là. Donc, c'est intéressant de voir, et je ne sais pas si vous pourriez en tirer profit, voir un court-métrage, mais pour voir que dans la même ville, avec les, comment dire, la même organisation, en gros, avec les gens qui se connaissent, on peut avoir une intégration des personnes qui sont momentanément souvent en difficulté, et dans d'autres cas, un rejet extraordinaire. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas géographe. Mais a priori, ce qui serait intéressant de voir, c'est comparer la sociologie de ces deux quartiers. Ça peut être son rôle. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est la mauvaise foi donc, de ces personnes. Oui, parce que, pardon, quel argument il y a. Voilà. Ouais. Alors c'est tout. Tout, c'est-à-dire des chiens. Mais c'est pas tout à fait la même population. Les deux, c'est la même chose. Mais peu importe, c'est un moment, mais ils ne sont pas là. Et ils se plaignent qu'il y ait des chiens, ils se plaignent qu'il y ait des gens qui soient assis sur les trottoirs. Donc c'est vraiment, pas dire raciste parce que ça. Non, des sales gueules. C'est un rejet d'une population qui ne contrôle pas, puisqu'ils ne sont pas là pendant les enfants. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, puisque j'ai la parole. Je voulais signaler aux professionnels qui l'ont évoqué, en particulier à vous, Madame Lévy, que nous avons en route, à partir de maintenant, un travail sur justement recueillir la parole des gens que nous accueillons pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent. Parce que pour l'instant, on les écoute, mais peut-être pas qu'on les écoute, on les écoute pas peut-être dans des conditions telles qu'ils puissent exprimer complètement leur attente. Donc si ça peut vous intéresser, on peut aller plus loin. Juste une petite parenthèse, c'est clair que ce foyer peut exister parce qu'il est dans le quartier Paulbert. Enfin, c'est pour ça que le film, enfin, on a filmé un quartier. Oui. Voilà, après, c'est un peu édulcoré aussi, enfin, voilà, volontairement. Enfin, il y a des, voilà, enfin, il y a des moments, voilà, même le fait de filmer la fête de quartier, la musique. Voilà, c'est un parti pris aussi de montrer ça. On aurait pu aussi montrer d'autres choses. Enfin, ça n'a pas toujours été forcément très simple. Pour le foyer Paulbert, voilà, il y a eu aussi des gens qui étaient contre, qui ont voulu le faire fermer à certains moments, etc. Voilà, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. Alors moi, monsieur, je voulais vous remercier. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bernadette Malorange, je suis membre de l'UPT. Je voulais vous remercier parce que dans le film, à aucun moment, il n'y a une plainte de votre part. Ah ben. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort. Et votre parole, les questions que vous posez, et des fois vous répondez même à vos propres questions, parce que c'est votre vécu, mais vous parlez toujours pour l'ensemble des sans-abri. elle illustrait tellement, elle illustrait tellement les exposés de ce matin, je veux dire dans ce qui était de l'espace, de l'appropriation d'un lieu, etc., de la façon d'être, qu'est-ce que c'est qu'un sans-abri, les difficultés de la vie, etc., enfin, des relations avec les autres, les voisins, etc., que votre parole, elle est très, très, très précieuse, quoi. Elle vaut presque les paroles de l'illustration des sociologues et de l'anthropologue, et ça, c'est très, très fort. Mais ce que je voulais vous demander, c'est au niveau des questions que vous posez, elles sont tellement pertinentes, vos questions, comment vous les avez travaillées? Est-ce que vous avez travaillé avec les autres sans-abri? Vous avez eu des réunions? Est-ce que ce serait bien qu'on parle de ça? Ou est-ce que tout vous est venu naturellement comme ça? Ce qui se passe, c'est que c'est au quotidien, en fin de compte. C'est des questions qui viennent au fur et à mesure qu'on vit cette situation. Alors, parce que le film a duré un an, vous avez sur un an. Tourné, ouais. Alors, sur un an on a le temps de cogiter. Je vous promets qu'il n'y avait rien eu de préparé d'avance, sur papier, en disant tiens, il faudra bien dire ça, ou surtout pas dire ça, mais pas du tout dans cet esprit-là. Mais c'est que, bon, Anne, des fois, nous dit attention, maintenant on se revoit mardi prochain pour faire l'interview de la boulangère, ou telle chose. Donc j'avais le temps un peu quand même d'y réfléchir, hein, sans que ça soit non plus une préoccupation énorme, puis j'avais quand même du temps de libre, hein, c'est sûr, à ce moment-là. Mais autrement, non, pas spécialement préparé, mais ce que je veux dire, c'est justement au quotidien, en vivant la situation, c'est naturellement que ces questions-là me sont venues à l'esprit, et sachant aussi le sujet du film, ça m'est venu naturellement, justement, de poser ces bonnes questions, mais d'avoir pensé quand même, ouais, à me dire... Ah, ce serait bien qu'il y ait telle chose de dite dedans, oui. Ces petites phrases comme ça, un peu, qu'on n'entend pas non plus tous les jours, ou souvent, qui ont déjà été dites. Je ne sais plus qui avait dit ça, on est toujours l'étranger de quelqu'un à un moment, là, je ne me rappelle jamais. Qui a dit ça. Donc, tout voyez, convient de votre propre. Oui, complètement, spontanément, naturellement. Parce que moi, je suis tout le temps comme ça dans la vie. Hein. C'est d'un peu plus calme maintenant, quand même. Enfin, on vient simplement d'entendre, et vous n'y répondrez pas, ouais. Que vous aviez beaucoup de temps à cette époque. Peut-être que vous avez moins le temps maintenant. Ah ben, ça va un peu mieux maintenant. Hein, parce que il y a des gens qui me connaissent, qui savent que depuis, je suis en appart et tout ça, quand même, j'en suis sorti. Mais je vais toujours les voir, hein, parce que le directeur et les... Ah ben oui, je leur amène une boîte de chocolat chaque année à Noël. J'y tiens. Non, mais c'est vrai, c'est important. Ça, j'aime bien faire ce petit geste-là. Là, depuis... Je n'ai pas raté un Noël, je vais encore faire cette année. Hein, c'est vrai. Aux deux foyers, il y a Paul Bert, il y a aussi Albert Thomas, hein, un autre foyer des Bergeons. Parce qu'à l'époque, il y avait un système, ils ont fait une loi pendant que j'étais en foyer, où quand on est rentré dans un foyer d'hébergement, on n'est plus, comment dirais-je, je ne sais pas comment trouver les mots pour ne pas dire mis dehors, parce que ce n'est pas de leur propre initiative à eux qui disent dégage maintenant que tu as passé une semaine là. Il y a des foyers d'hébergement, il faut connaître un peu les systèmes en France. Il y en a, c'est à la nuit, pas éventuellement renouvelable d'ailleurs, quand c'est sur Paris là où c'est saturé. Il y en a d'autres, c'est par exemple à Roi 3 nuits par semaine, ou par quinzaine, ou par mois. Et là, c'était deux périodes de 15 jours par mois qu'on pouvait passer. Donc je faisais ce qu'on appelle l'essuie-glace, parce que ça Paul Bert d'un côté de la Loire, et Thomas de l'autre côté. Et souvent, on se croisait d'ailleurs les lundis, parce qu'en général, c'est d'un lundi à un lundi, par quinzaine, voilà. Et on se croisait avec nos bagages, avec des gars qui faisaient, bon, bah tiens, dans 15 jours, en se croisant sur le pont de fil, d'ailleurs, c'est un peu le lieu de passage, parce qu'il faut vite, dès 8h le matin, dès qu'on est sorti de Paul Bert, par exemple, ou de Thomas, selon la quinzaine qu'on vient de passer, vite cavaler à l'autre pour assurer sa place, au moins, pour les 15 jours venant. Et maintenant, il y a un système qui a été fait que quand quelqu'un rentre dans un foyer d'hébergement d'urgence, en principe, hein, je pense que c'est partout le cas en France, c'est une loi qui est passée. Ça, c'est... Parce que des fois, on critique, c'est vrai, facilement, en politique, les choses qu'ils font, qu'ils disent, et tout ça. Mais quand ils font des choses bien, il faut être capable de le dire quand même. Et ça, j'ai trouvé que c'était une loi quand même chouette, quoi. La période où j'y étais, donc en foyer d'hébergement, qu'ils aient décidé que dorénavant, toute personne qui rentre dans un foyer d'hébergement, tant qu'elle n'a pas une solution d'hébergement à peu près correcte, parce que c'est pareil, on peut en parler du mal hébergement qu'il y a en France, il y en a qui ont un appartement qui sont beaucoup moins bien que des gens qui sont dans des foyers d'hébergement dans leur propre domicile aussi. Donc cette loi qui a été faite, que quelqu'un qui est rentré en foyer d'hébergement ne ressortira pas tant qu'il n'y aura pas... Il n'a pas une certitude de quelque chose de précarité. C'est la vision, c'est la circulaire vôtre. qui malheureusement, à partir de cet hiver, au moins à Tours, commence à être écorché. C'est pas ça, Vautrin. C'est le nom de l'administratif qui a... C'est la loi d'Allo. C'est la loi dont vous parlez. Ah, d'accord. Mais malheureusement, cette année, à Tours, au moins, je ne sais pas ailleurs, il commence à y avoir des exceptions, puisque des foyers d'hébergement, il y a plus qualifiés qu'on pourra en parler, vont être obligés de garder des places, c'est-à-dire que tous les soirs, tous les matins, il y a des gens qui seront obligés de sortir. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui pourraient donner la réponse, je ne sais pas s'il y a eu un amendement à la loi Vautrin ou si ce sont des aménagements de la préfecture ici, ouais. Mais c'est comme ça que ça va se passer cette hiver. Il n'y a pas le chute qui vient en complément, le chute. Ouais, le chute est différent, c'est une version d'urgence. Oui, qui ouvre l'hiver au moins, et qui peut assurer une cinquantaine, enfin, 35 hébergements. Non, c'est-à-dire que dans... Il y a 10 places de stabilisation et puis une dizaine de places en urgence pour 3 nuits. Au bout de 3 nuits, il faut faire le 115 et puis... Il faut que je réactualise mes connaissances. Je vais redistribuer la parole à Claudia qui attendait depuis un certain temps. Non, moi, ce qui m'a intéressé dans le film, c'est qu'il y a quand même, je ne veux pas casser cette image d'intégration, mais il y a quand même constamment la recherche de nous, parfois idyllique, étonnamment aussi de la part des jeunes. Qu'ils parlent du passé, alors que ce sont des jeunes. Après, il y a une question à un moment donné, hein, qu'elle dit, mais on continue à faire ça. Et donc, il dit, mais moins. Donc, il y a cette histoire de nous et un nous nostalgique. Hein, les photos, etc. On se déguise, etc. Et alors, moi, de toute manière, je ressens constamment, par rapport à votre circulation, qu'il y a toujours quand même le nous et le eux. Et. Quand on vous intègre, on dit à un moment donné, tout le monde, moi j'avais mis tout le monde veut se rassurer. Patrick est un homme actif, a des compétences. Donc on ne sait pas très bien l'autre. L'autre, c'est autre qu'on construit. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a des compétences, c'est l'homme qui se montre actif. Je ne sais pas si ce nous peut se construire avec. Cet autre qui serait peut-être réfugié à travers ce que là on parlait des phénomènes du not in my backyard, hein, pas dans mon jardin. C'est tout le phénomène du refus, de la présence ou des centres d'hébergement, etc. Moi, ça me fait penser, c'est très très vieux, à Nanterre, la maison de Nanterre, l'origine de la maison de Nanterre a été très très discutée. Et ça, on parle de la fin du 19e siècle, 1857. Ça a été une discussion de la part de la commune qui ne voulait pas du tout avoir cet établissement. C'est quoi, et ça, de la les discussions ont arrivé même à la présence du cimetière. Le cimetière de la maison de Nanterre où étaient enterrées les personnes qui mouraient, qui étaient... Les indigents, comme ils appelaient à l'époque. Les indigents, si vous voulez, oui. La grande discussion, c'était où mettre le cimetière de la maison de Nanterre, puisque ce n'était pas question d'enterrer ces gens-là dans le cimetière de Nanterre. Et alors, c'est très intéressant de voir les photos et les cartes de l'époque. On va placer le cimetière vraiment dans les marges de la commune. Et alors, le discours, c'était... En marge. En marge, vraiment, de la commune. Et le discours, au début, c'était la peur de la contamination. Il y avait toute la question de la peur de la contamination. Jusqu'à ce qu'en réalité, apparaît à un moment donné, toute une discussion de la part de la municipalité, que c'est les prix des terres vont, évidemment, chuter. Donc... La présence du cimetière fait ça, c'est le. Moi, là, je parle de la fin du 19e siècle, je ne parle pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est très vieux. Mais bon, moi, ce qui m'intéressait là dans votre film, c'est aussi une sorte de difficulté quand même de construire ce nous. Le nous, c'est un nostalgique, c'est un nous idéalisé, on le voit, il n'y a pas de problème. Et vous, que vous cherchez constamment à que les autres disent, ça m'intéressait de votre part, votre rôle. Quand même qu'on dise quand même qu'il y a des conflits, qu'on ne aime pas. Vous cherchez ça et c'est très difficile de faire dire que bon, finalement, c'est les jeunes qui disent. C'est les seuls. Est-ce que ce que vous dites, ça reste ambigu? Alors, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. Ça s'est passé pendant le film un moment avec Anne. Ouais, franchement, j'ai failli arrêter. Je veux parler. C'est un moment où je lui dis, mais là, Anne, il y a un truc qui colle pas dans le film, il y a quelque chose que je ressens. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un truc comme on voit le matin pour les enfants, là, enfin, on en regarde un peu. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est tout rose, la vie est belle, non mais c'est vrai. Hein. Et moi j'étais embêté avec ça, je dis, ça colle pas quoi. Parce que un aussi, ah, tu avais un peu pensé, mais bon, toi tu veux aboutir ton film, c'est normal. Hein, oui. Mais moi je me suis dit, ça va pas aller, hein. Les gens ils vont voir le truc, ils vont dire, mais c'est quoi cette guimauve là qu'on veut nous. Le village est un peu trop beau. Hein. C'est un truc, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, hop, la vie est belle, tout va bien. Et moi j'ai eu un énorme problème, hein, vraiment, tu te rappelles, je te dis, ouais, je me demande si on je dois continuer, là, je sais pas ce qui se passe, ça va pas. Les gens ils vont croire qu'on a fait un. Ouais, voilà, quoi, une sorte de plaidoyer un peu pour. La vie est belle, là, comme Benigni, parler d'un sujet dramatique en même pour garder en étant. Et en fin de compte, non, c'est la réalité, hein, je suis désolé, hein, c'est pas voulu, mais c'est vrai ce que tu dis à l'instant, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu. Moi j'aurais bien aimé, hein, des fois des gens osent dire franchement, vous avez vu tous ces noirs qu'il y a là-dedans, attention, moi tu parles, hein, mais qu'ils aient été francs, parce que moi j'aurais pas été là à vous dire, ah poupée, c'est horrible ce qu'ils disent, j'aurais dit, ah bravo, vous avez osé dire franchement quelque chose, même dire, parce que j'essayais, même il y a eu des choses de coupées hein, dans toutes les heures de rush, donc à la fin, où moi j'essayais de provoquer ça un peu, justement, j'aurais aimé, et j'aurais pas une attitude, tu sais, juge négative à la personne, j'aurais carrément dit, c'est bien, vous au moins vous osez dire franchement, ça me plaît pas qu'ils soyez là, de voir ces mecs passer, c'est feignant, c'est incapable, je crois qu'il y a des gens qui le disent, c'est poivreau. Qui l'expriment violemment, c'est une chose, mais je crois que le pire, c'est ceux qui ont une stratégie d'évitement et qu'on ne voit pas. Et ça, je regarde clairement, c'est un classique de la sociologie, mais il y a peut-être des gens qui évitent la place qui est juste devant le foyer, là, justement pour ne pas se retrouver face à quelque chose. Ou d'autres qui passent, mais avec une telle, avec des œillères telles qu'ils ne le voient plus. Je pense que c'est ça qui se passe aussi dans un certain nombre de cas. Il y a soit de la réaction violente et exprimée, soit aussi l'évitement. Pas sortir dans le coin aux heures où il y a le passage, le matin à 8h, entre 8 et 8h30, on va dire, et le soir autour de 18h, parce que c'est l'heure de rentrer. Après, ça se peut bien. C'est clair aussi que les gens, à partir du moment où ils participaient au film et qu'ils acceptaient d'être filmés, etc., c'était quand même déjà des gens qui étaient assez proches. Enfin, voilà, donc. C'est une évolution du quartier, parce que le quartier n'était pas comme ça il y a 10 ans. Non. Ah ben. Parce qu'il y a 10 ans, il y avait des pétitions. Hein. Oui, mais avec raison. Oui, hein. Moi, je les défends, les gens. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Quand tu te fais agresser, si tu veux rentrer chez toi le soir, parce qu'un mec il te demande une pièce, et tu lui dis ah bah désolé, soit il veut pas ou il a pas l'argent, ouais, espèce de tac, le mec il sort un couteau, que c'est un gars, deux mecs bourrés, il se bagarre, l'autre il va prendre un coup de bouteille sur la tête, un passant, hein, je parle qui revient de son bain, que des bouteilles volaient, qu'il y a eu des histoires incroyables hein, dans le foyer. Il faut comprendre aussi la population autour qui dit c'est plus possible, la prochaine fois il va y avoir quoi, on va se faire ou nous planter ou notre gamin qui rentre de l'école. C'était pas du tout, c'est vrai, la même ambiance, la même clientèle entre guillemets qui fréquentait le lieu. Et moi je comprends, même monsieur, parce que tu l'as coupé, l'historien, il en parle à un moment de ça. Il dit c'est vrai que ça s'est nettement amélioré. Le directeur de l'époque, c'est pas lui faire injure, je sais pas si quelqu'un le connaît ici ou quoi, même. C'était un gars qui était un peu un ancien SDF, quoi, disons, ou, je ne sais pas ce mot-là, vraiment, mais de dénomination. Et surtout qui picolait comme un trou. Le mec, alors, comment tu veux, le gars. Il était vachement pote avec plein de buveurs, quoi, les gars. Donc, parce que dans les foyers d'hébergement, le gars arrive, il fouille plus maintenant, mais parce qu'à l'époque, il fouillait éventuellement quand ils ont vraiment un soupçon sur quelqu'un, qu'il veut planter de l'alcool ou quoi. De toute façon, t'es pris avec de l'alcool, c'est dehors, quoi. Mais le gars qui rentre le soir, il dit, voilà, j'ai une bouteille ou deux bouteilles de ceci ou quoi que cela. Il le confie, il le donne le lendemain quand il part. Mais le gars de l'époque, ouais, lui, il avait les litrons dans le bureau à l'arrivée, il picolait avec les gars, quoi, c'est vrai. Donc forcément... les mecs tous pochetraient là-dedans, ça se bagarre, non mais c'est vrai, hein, ouais. Ils sortaient à pas d'heure. Et donc ça s'est nettement amélioré là-dessus. Voilà. Jean-François Troin. Oui, moi je suis géographe, j'avais envie de dire que si le foyer était aussi bien intégré dans le quartier, c'est parce qu'il a une très grande discrétion. Il est fondu pratiquement dans le quartier, il n'y a pas d'attroupement devant, il n'y a pas de gens qui font la queue, il est fermé aux heures de la journée. Je vais vous faire une confidence, j'en suis pas fier, le département de géographie de l'université a été hébergé là-haut à l'école normale de filles. Bon, j'ai dû travailler 6 ans, je suis passé des centaines de fois, je ne savais pas que le foyer était là. Ah, au quartier Paul Bert, hein, ouais, mais oui, en montant par la rue. Juste au-dessus. Donc je crois que ça a facilité, c'est pas souvent comme ça. Hein. C'est un lieu qui est d'une extrême discrétion, c'est un lieu où il n'y a pas de mouvement de gens devant et tout ça. Donc à la limite, dans la journée, on a l'air de dire, les voisins, ils ne s'en aperçoivent pas pratiquement, du moins maintenant. Je crois que ça participe, cette espèce de fusion un petit peu, au fait qu'ils soient bien intégrés. Ouais, avec la directrice de l'école. C'est une question qu'on me pose. Hein. Quand elle dit, non mais c'est bien observé, quand elle dit, bref, vous passez inaperçu. Ouais, qui vous fait un peu trop, peut-être. Aux yeux de certaines personnes. Je n'ai jamais vu. C'est bien. C'est à force de passer inaperçu, d'en devenir transparent, c'est pas non plus. Mais sinon, c'est bien dit. Non, mais c'est vrai, quand elle dit ça, je dis, oh, faut que je dise un truc, là. Ça veut dire. Claire, tu voulais aller. Parce que sinon, c'est gentil qu'elle dise ça à la directrice de l'école, bien sûr. Elle va dire, par là, il n'y a pas d'histoire. Comme il y en avait eu avant. Mais il faudrait peut-être plus passer aussi inaperçu que ça. Ah, mais vous ne trouvez pas que ça, c'est, je ne sais pas si c'est aggravé en France, la situation, mais qu'il y a une espèce de, je ne sais pas comment dire, un peu d'anesthésie, d'engourdissement là-dessus. Parce que les difficultés s'accroissant, les gens sont moins préoccupés par les difficultés d'autres concitoyens quand ça commence à se rapprocher de peut-être de vous ici. Mais ce que je veux dire, le voit plus. Et j'ai l'impression que il y a une sorte de, je sais pas comment. Ils ne veulent plus. Ils veulent plus voir. Non, mais de la même manière qu'à Saint-Polo, enfin, oui, c'est frappant. On voit des gens, il y a des gens qui sont par terre sur le trottoir et d'autres qui les enjambent. Ah bah oui, non mais. Est-ce que c'est vraiment délibéré de s'en dire en ayant une pensée négative pour ce pauvre gars qui est par terre, comme ça, en train justement de tendre la main, ou que c'est parce que ça devient de plus en plus inquiétant. C'est la première peur des Français, hein, de se retrouver sans logement, en fin de compte. Hein. C'est pas l'emploi, hein, en premier, hein, dans les craintes de déstabilisation sociale, je ne sais pas comment on pourra appeler ça, de trouver. C'est pas la crainte de perdre un emploi, c'est la crainte de se retrouver sans logement. Quoi. Alors que c'est pas du tout c'est pas un bras qui vous manque, hein, c'est pas. Je comprends pas, c'est pas si dramatique que ça en fin de compte. Hein. C'est galérant, c'est sûr, non mais c'est vrai. Faut pas croire, hein, c'est pas. On a une belle force. Non mais Claire. Ben je crois maintenant, ouais, ça me fait vraiment plus peur, moi. Je veux pas revivre ça, mais ça me. Vraiment, hein, ça me fait pas peur. Ouais, si j'ai 70, 80 ans, je suis comme ça. Ouais. Ça dépend peut-être. Il y a des villes dans lesquelles on vit. Ça aussi, hein, c'est sûr. Ça joue quand, par exemple, il y a des. Vous faites l'essuie-glace entre les structures. Il y a tous ceux qui n'ont pas la place derrière. Pour avoir travaillé avec certains d'entre eux, quand on passe plus d'une dizaine de nuits dehors, sans douche et sans manger, ça devient autre chose. Là, bien sûr. Ouais. J'ai fait une semaine, hein, et ben, c'est une semaine, je ne veux pas revivre. Par contre, c'est une semaine d'un petit moins 15 ans. Dans ces cas-là, la dégradation de la vie va vite, et donc on renvoie aux citoyens lambda autre chose quand on n'est pas rasé, pas propre. Complètement, ouais. Parce que moi, j'ai fait une semaine, hein, vraiment dur, pas un rond, pas savoir où aller, n'osant pas non plus m'adresser. J'aurais pu demander à des gens que je connais, à l'amico, même mon propre fils, mais ça, jamais de la vie, hors de question. D'être hébergé, eh ben, qu'il fallait trouver une chaufferie, parce qu'il fait moins 15 hein, la nuit, il y a une semaine en février 2000, je ne sais plus, il y a 3-4-5 ans, et j'ai fait une semaine comme ça, là par contre, là oui, c'est vrai, ça je ne veux pas la revivre cette semaine-là, là vraiment, ouais, là, bien observé, hein, ça va que c'est à Tours, c'est une ville assez agréable, et qu'on peut trouver des solutions encore, ça peut aller, mais il y a des endroits où c'est sûr, vous ne pourrez pas vivre cette situation. Et aussi dans les conditions que j'évoquais, là, où il fait vraiment très très froid, qu'il n'y a pas moyen de. Le 115, c'est le 115 qu'on faisait, pour de l'hébergement, mais eux qui me disaient, ben non, désolé, il n'y a pas de place, ni en hôtel, ni en chambre, ni rien, si vous arrivez à vous débrouiller. Alors c'est pareil aussi, la santé est là, et je ne me suis pas tombé dans la boisson ou quoi, mais si ça avait perduré cette situation des 15 fameuses journées, là où il caillait tellement, et que ça commençait à devenir dur, hein. Eh ben, qui sait si tu te laisses pas un coup tenter, dire allez, je me prends une murge, hein, c'est ça, voilà, un coup. Et puis qu'après, ça devienne. Ben là, ça y est, quoi, comme on dit, le doigt dans l'engrenage, hein, c'est comme dans les toxicomanies, quoi. Eh ben, ça se trouve, je serais plus là. Non, il y a Claire qui voulait. Non, mais c'est quelque chose d'intéressant. Franchement. c'était sur la question de la façon dont les gens voisinent bien ou mal. Parce que je crois que c'est, enfin, plusieurs choses de dit, c'est assez compliqué en fait. Il y a des. Bon, on peut parler de séparatisme social, carrément. Il y a des études qui montrent que ceux qui sont le plus dans l'entre-soi, c'est pas du tout le ghetto pauvre, c'est les riches. Hein. Donc, ça, c'est très clair qu'il y a des stratégies de maintien d'entre-soi extrêmement puissantes dans les beaux quartiers. Hein. Donc, ça, voilà. Alors, ce séparatisme social, il peut jouer, ou l'idée de rejeter l'autre, de le mettre à distance, comme les pétitions à la halte, l'exemple que vous donniez, des riverains qui ne veulent pas en entendre parler. Alors, est-ce que c'est assez compliqué, en fait, comme histoire, parce que est-ce que c'est des nuisances directes, vous disiez, bah oui, voir des gens qui se bagarrent, ou avoir carrément l'expérience, peut-être pas d'une agression, non, de se faire insulter, verbale, ou de voilà. Quelque chose de très désagréable, ça peut être aussi des choses beaucoup plus subtiles, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va y avoir des nuisances, alors j'ai plusieurs exemples, c'est pas parce qu'il va y avoir des nuisances, entre guillemets, hein, les riverains se plaignent de nuisances, alors les nuisances c'est des gens libres, ou usagers de drogue, des chiens, etc., ou des saletés, etc. Ça va pas être forcément ça qui va générer le plus de rejet, hein. C'est pas proportionnel, c'est plus compliqué que ça. Il peut y avoir des situations où il y a une invisibilité, comme ce que vous avez dit aussi, et où il va y avoir des mécanismes de rejet extrêmement violents qui vont fonctionner sur des choses tout aussi invisibles, genre le commérage, la rumeur, on propage effectivement des bruits sur voilà, il s'est passé ça, c'est dangereux, garez vos enfants, vos filles, etc. Et ça peut fonctionner sans qu'il y ait aucune nuisance, enfin rien de visible. Et donc, en fait, je crois qu'il y a un élément qui est important qu'on n'a pas mentionné, c'est la régulation par le politique, c'est-à-dire ou par les acteurs locaux. Bon, à Emmaüs, par exemple, le siège, il est rue des Bourdonnais en plein quartier de Galle. Il y a des, à Paris, tout le temps, à Paris, oui. Il y a tout le temps des stationnements, etc. Les riverains, à un moment donné, il y a eu un clash. Bon, ils ont trouvé une solution, ils ont mis des médiateurs, des salariés hein, dans la rue qui disputaient, qui faisaient en sorte que, voilà. S'il n'y a pas de régulation, puis à un moment donné, les communes aussi doivent prendre position. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est peut-être la municipalité qui peut aussi dire, bon, ben non, moi, mon projet, c'est ça, et j'y tiens. Qui va faire valoir qu'il y a une décision, que ce n'est pas les gens qui décident qu'ils auront ça à côté d'eux ou pas. C'est-à-dire de prendre la défense de la structure de ne pas se laisser parce que des pétitions de riverains ou des pétitions, c'est monnaie courante pour les élus locaux, ils passent leur temps à gérer ça, donc il y a un moment donné il faut qu'il y ait une régulation politique. Alors, c'est ça que je voulais dire, et puis il y a aussi des magies locales. Alors des magies locales, vous disiez oui c'est tout, comme disent nous, c'est un peu tout rose là. C'est vrai que par exemple moi j'ai deux exemples dans ma commune, là il s'agit des Roms, hein. Il y a un quartier où c'est l'horreur, c'est-à-dire que c'est pétition sur pétition, ça se passe extrêmement mal, c'est très conflictuel et il y a des squats, alors c'est plus compliqué, ça ne se régule pas. Et un autre quartier qui est pas avec des populations tellement différentes, peut-être un peu plus classe moyenne, disons, hein, et où là, il y a une entraide, une solidarité, quelque chose d'extraordinaire qui s'est mis en place. Franchement, c'est quand on le raconte, on croirait que c'est une histoire pour les enfants, mais c'est vrai. Donc il y a des magies locales, il y a des systèmes locaux. Magie au sens où, à un moment donné, ça va marcher, quoi. Ça va fonctionner. Les gens, ils vont trouver un équilibre. Alors, je voulais dire ça, mais je voulais aussi vous poser une question, si vous permettez. Non. C'est marrant. Bien sûr, oui. À un moment donné, quand vous discutez avec la dame là dans son jardin, vous dites mais il y aurait pourtant des tas de solutions. C'est vrai que bon, autant vous parler. Je vais essayer de faire simple. Il y aurait des solutions qui seraient avec. Il y a de l'argent pour ça, l'argent de l'ANA, hein, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. C'est une caisse où il y a de l'argent, il y en a de moins en moins, mais pour réhabiliter. Faire des travaux, etc. Alors, moi, je me demandais, puis il y a aussi des associations comme Emmaüs ou l'Abbé Pierre, les compagnons bâtisseurs, ils font ça. Ils font des projets, il y a des maîtres d'ouvrage qui connaissent bien, et qui organise des réhabilitations avec les gens, avec les gens. Alors je me demandais, donc ma question c'est, est-ce que vous avez développé cette idée-là? Non. Ce projet-là? Non. Et pourquoi? Alors, oh, j'ai plein de... j'ai eu des problèmes de santé, j'ai pas de permis de conduire, pas de véhicule, puis il faudrait peut-être trouver là où quelques bonnes personnes avec qui le faire, parce que ça peut être génial. Mais je le dis franchement, non, je ne m'en suis pas occupé. Ça a été une galère assez difficile pour trouver l'appart, emménager après, bosser. Et puis j'ai plus 20 ans, même si c'était encore même 30 ans, où j'aurais l'énergie, l'envie de commencer quelque chose comme ça. J'ai passé la cinquantaine, moi, il n'y a pas si longtemps, 53, quoi. Et c'est plus le même feu sacré qui m'anime ou quoi. Il faudrait trouver éventuellement quelqu'un avec qui... parce que c'est quand même encore en tête, un rêve, quoi, quand même, ce serait génial. Mais il y a aussi une chose où je suis un peu échaudé dans la vie, c'est que ça m'est arrivé de m'investir pour aider, même de le faire encore des fois, une personne ou quelqu'un, d'aider un gars à sortir de la panade. Et même si ce n'est pas une raison, ce que je vais dire, c'est que, hélas, on est facilement déçu, mais ça, faut pas non plus toujours là-dessus dans la vie se dire « Ah ouais, les mecs, ils valent pas le coup, il y a que des « tu sais, ça vaut pas le coup de les aider. » Même si sur 10 gars, il y en a un qui va donner satisfaction, bah, tant pis si le 9 autres te déçoivent ou quoi. Mais avant, j'étais capable de me dire « Ouais, bon, ça me gêne pas comme problème éventuel d'être déçu par 9 personnes sur 10 pour qu'il y en ait un qui s'en sorte. » Mais maintenant, je le reconnais que si, j'ai plus le même, ouais, feu sacré. Toi, de pouvoir m'investir dans un projet, je pourrais le faire éventuellement. C'est pas facile, hein. Mais bon, c'est pas une raison non plus. Je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Mais là, ça va peut-être un peu mieux. Je vais pouvoir y repenser éventuellement parce que c'est vrai que c'est une super bonne idée. Et puis, le chantier, il est énorme. Il y a plein de choses. Il y a des tas d'appartements, de maisons, même dans Tours, c'est de la folie, quoi. Qui tombent en ruine. Qui pourrait faire des lieux de résidence. Quand on a passé le film au studio. Oui, il y avait une dame là, je sais. Et parce que ouais, bah, j'ai pas souvent de quoi appeler au téléphone. J'ai pas tellement bougé ça. Si la petite demoiselle, elle me disait, elle avait un diplôme à faire, elle verrait ça après éventuellement. Il faudrait que je reprenne contact éventuellement avec cette personne-là. Mais honnêtement, oui, je sais que c'est une bonne idée, que c'est un truc. Si je pouvais être un petit peu aidé ou. Ah, il y en aura un autre comme moi, là, c'est bon, là, ouais. Ah ouais, un peu plus jeune que moi, là, limite, avec qui je pourrais... là, je me sentirais assez costaud pour le faire. Parce que, pareil, il ne faut pas non plus s'engager dans un projet pareil si d'avance, je sais que ça va pas aboutir. Si je le fais, oui, c'est que là, je sais que j'y crois, quoi, que je vais y arriver. Comme j'ai tout ce que j'ai réalisé dans la vie, au début, on fait des erreurs quand on est jeune, mais après, j'ai appris... que si je commençais un projet, moi, c'était pour aller au bout, le voir aboutir. Voilà. Mais bon, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, ça, j'en suis sûr. Moi, tous les gens avec qui j'en ai parlé, il y avait même un élu de la mairie, une fois. Ouais. Quand il y avait eu la première projection, ouais. Paul Bert, rappelle, qui nous disait « c'est bien, et je devais passer voir à la mairie de Rhin-de-Gond. » Parce que... On va arrêter. Merci. Parce qu'on a encore une intervention. Ah bah oui. Alors, je pense, je suis désolé, il y a peut-être encore des questions, mais on a... Puis même, hein, je suis un peu là. Ah non, mais il y aura un autre débat après l'intervention d'Olivier, mais il faut avoir le temps de... Merci à vous. Bah, merci beaucoup. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de jeunes d'ici qui sont... c'est dommage, ils ont eu l'information. Oui, tout, oui, il y avait l'affiche à l'entrée du foyer, etc. Mais voilà, on est samedi aussi. Merci en tout cas. Ben, merci. Vous, hein. Ouais, merci.